vroom vroom. Pute, pute, pute, pute. Pute, pute, pute, pute. Deux Z. Deux Z. À la guerre comme à la guerre. Pillage. C'est soit je gagne, soit tu perds. Ouais. Quand tu tombes, c'est super, c'est ton terrain qu'on récupère. L'argent ne tombe pas des arbres, pour l'avoir faut sortir des armes. Je m'avance vers mes fans, je marche sur des tibias et des crânes. J'ai des traces de poudre sur les pecs, je renifle comme un chien. Bitch, ton cœur appartient à ton mec, mais ton cul m'appartient. Bitch, mitraillette, mort au lâche, mort au lâche. Je répète, j'ai dit mort au lâche. Bitch, Lamborghini, hein. Tu commences, j'ai fini. Hop, hop, t'as la Houdini. Comment j'ai fini? Russe Fondon Nesby, si t'es touché par les flics. Bang, bang. Meurs de spi, mais ne saigne pas sur mon fric. Bang, bang. Sur le rinté, armé sous le chasuble. Ouais. Vitre teintée, les deux mains sous ta jupe. Bitch, j'ai la rage, j'accélère dans les virages. Il me reste plus de balles que toi, j'gagne au goal à verrage. Tous armés, ouais, tous armés. On a aussi des calaches, des calaches. On a aussi des famas, des famas. On a aussi quelques chlasses, quelques chlasses. C'est une menace. Tellement de fierté que je ne peux pas déserter. Non. Qu'un moyen de fermer des gueules, madame désertigueule. Toute l'année, y'a de la neige en bas des tours. La vie c'est comme un manège, mais t'as droit qu'à un seul tour. T'as pas de talent et tu veux mon feu, pi. Tu tiens pas ta langue, The Pi. J't'arrose pour t'effacer de la planète. Comme quand j'pisse sur une merde pour l'effacer de la cuvette. J'fais des disques d'or, j'dois appeler au pays. Ce gros bâtard de porc ne fait que t'appeler l'OPJ. J'te présente mon joujou, c'est ma moitié. Mais avant j'vais présenter ta joue à mon pied. Sur le toit du building, on fait nos nids. On dort jamais de nuit dans le même lit. On enchaîne les pilons, on enchaîne les revêts. On se couche sur des coussins de vitron, on dort sans rêver. Tous armés, ouais, tous armés, ouais, tous armés, tous armés, ouais, on est tous armés. Toute l'année, on est tous armés, on est tous armés. Joint de hache, des grosses liasses, on a